Walter, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier. Je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Non. Truc de dingue. Truc de malade. Truc de psychopathe. Truc de fée. Truc de strong. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. On ira jusqu'au bout. La force du travailleur. Voilà. Hey. Non pas Saran. Un général. Et rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminé dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Yo, au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! You want me to hide all my feelings? Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs de 19h à 20h30. Sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, donc Fréquence Paris Pluriel, radio libre et associative qui est mise sur la région parisienne. Voilà, on se retrouve comme toutes les semaines. Vous pouvez aussi nous écouter sur le site de l'émission www.rfpp.net, le site de la radio, pardon. Et voilà, donc au fond près du radiateur, c'est une émission qui cherche à donner la parole directement à vous, c'est-à-dire... à ceux qui luttent, à ceux qui galèrent au quotidien, ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Et donner la parole directement sans privilégier la parole d'experts ou de gens qui ne vivent pas réellement les choses. Donc voilà, on préfère donner directement la parole aux gens qui sont sur le terrain et tout. Et voilà, merci d'être à l'écoute. On a plusieurs podcasts que vous pourrez retrouver aussi, les anciennes émissions sur notre site, au fond près du radiateur.fr. Donc voilà de quoi on va parler ce soir. Ce soir, on voulait vous partager avec vous en fait une discussion à laquelle on a assisté. Ça fait longtemps qu'on cherchait à les interviewer. Vous avez sûrement entendu parler des nouvelles formes de travail, des gens qui travaillent pour Uber, ce soit les VTC, les livreurs à vélo. Donc ça sera le sujet de cette émission de ce soir. Donc les gens qui travaillent pour Foodora, Deliveroo, Stuart ou anciennement Take It Easy par exemple, et qui livrent des burgers ou de la nourriture directement depuis les restaurants jusqu'à chez vous, jusqu'aux clients, et donc qui malheureusement ont un statut qui est très précaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés comme salariés de la même manière que Uber. Ils sont obligés de se déclarer comme auto-entrepreneurs, et les entreprises comme Foodora, les plateformes, les entreprises qui gèrent les plateformes numériques, les applications, refusent de les reconnaître comme travailleurs, ce qui permet de les licencier du jour au lendemain, notamment quand ils luttent. Et voilà, donc on en vient au sujet de cette émission de ce soir. Ce soir, on a donc enregistré le CLAP, des membres du CLAP. Le CLAP, qu'est-ce que c'est ? C'est le collectif des livreurs autonome de la région parisienne. Donc c'est un tout nouveau collectif de lutte de livreurs qui font partie de différentes entreprises qui se sont réunies et qu'on a pu apercevoir dernièrement dans les manifestations. Et donc voilà, dernièrement, ils faisaient une réunion dans une librairie à l'initiative. Enfin, ils étaient invités par un journal qui s'appelle Jeff Clack. Donc on les remercie aussi d'avoir organisé cette rencontre, et donc on va vous passer on va vous passer cet enregistrement pendant une heure à peu près. Donc on est ensemble jusqu'à 20h30. Il y aura aussi beaucoup de musique dans cette émission et on va commencer sans plus tarder par Dynasty, un son qui était sur l'album Nestiness qui s'appelle Peace, Love and Unity. On s'écoute ça tout de suite au fond près du radiateur 106.3 FM FPP. Giving me the fire in my heart to blow like dynamite. Maximum strength, I'll be the weapon of God to fight this devil and this holy war. The positive overrides the negative, that's the first score. We only came because music was the blame for souls to be lost to people, man. What a shame, talking about who's the realest, who's the illest. Chasing movies for your lyrics so your video can be action-packed with Bruce Willis. Rocking a party I do, cause it gotta be done. Remember, all work and no play makes Dynamax a dope boy. So I got the ultimate breaks and beats just to bring the noise. No violence, no disrespect, no fretting on the set. Nobody getting vexed, nobody got a step. And we all know what's up, cause positive energy is kept. I was sent 60 million light years to this present time, for the year 2999. Because all of y'all was watched from the heavens, daughters and sons messing up, so we brought back the peace and fun. Peace, peace, love, unity, love, and having fun. Peace, peace, love, unity, love, and having fun. Peace, peace, love, unity, love, and having fun. Peace, peace, love, unity, love, and having fun. It's going down, it's going down, y'all. Remember me, Big Bang and Dave, man, body's going right, man. We got my man, he that's the man. Cool DJ Herc is the father, yo. He started playing in the boogie that rocks with disco. Rhythm and blues are just plain soul. Yes, man, Hercules kept the soul control. Then came Bad Body in his soul sonic force. And the Z-U-L-U nation of force. And at the same time, Grandmaster Flash. And the turntable spinning so damn fast. Adding on Manny Bell in the previous five. Then Grand was a diddle in the Fantastic Five MC. Yo, what the deal? Where's my man? Grand makes a DST. Hollywood from Harlem, World and DST. On the other side of the world, represent the Paris. France, China, B-Boy stands. These are the teachers that made it be. And they always agree that it all comes down to the peace, peace, get Voilà, donc c'était un morceau de Dynasty qui s'appelle Peace and Unity. Donc vous êtes bien dans l'émission Au fond près du radiateur, FPP 106.3 FM Radio Libre. Et ce soir, donc, comme on vous le disait en introduction, on va parler du CLAP, du collectif des livreurs autonomes de Paris, c'est-à-dire des travailleurs de Foodora, Deliveroo, Stuart, Uber, Eats, qui se sont regroupés au sein de ce collectif pour tout simplement défendre leurs droits, éviter d'être licenciés sans aucune raison, dans le sens où ils sont auto-entrepreneurs et qu'ils ne sont pas reconnus comme salariés, donc qu'ils doivent payer toutes les charges sociales à leur charge, etc. Donc juste en introduction, pour rappeler qu'actuellement, Foodora, Deliveroo, toutes les entreprises comme ça travaillent à perte sur le marché parisien et dans toute l'Europe, à mon avis, dans le sens où ils cherchent à couler les autres entreprises pour récupérer, pour avoir un monopole, quoi, pour obtenir tout le marché. Et donc, pour faire ça et attirer une flotte de livreurs, ils ont commencé avec des salaires très attrayants, c'est-à-dire qu'on pouvait être payé 7 euros de l'heure et 4 euros la course quand on commençait, par exemple, à Take It Easy. Et petit à petit, comme ils diminuent la masse salariale, par exemple dans les périodes creuses, par exemple en été, donc l'application tout simplement vous donne plus de courses à faire, donc ils diminuent leur flotte et ils diminuent les salaires en même temps. Donc voilà, c'est pour donner un peu le contexte, quoi. Donc en gros, ils cherchent à réduire le prix de la course, donc le prix des travailleurs en quelque sorte. Et voilà, c'est important que des gens se réunissent. En tout cas, nous, ça, pour lutter contre ça, pour faire voir leurs droits, leurs intérêts. Et nous, en tout cas, on cherchait à leur donner la parole. Donc voilà, on va vous retransmettre cette discussion. Encore une fois, merci au magazine Jeff Clack qui avait invité le CLAP à la librairie Le Rideau Rouge où a eu lieu cette discussion la semaine dernière. Et sans plus tarder, on vous laisse écouter ça. Une bonne écoute au fond près du radiateur 106.3 FM. Du coup, ouais, moi je voulais vous donner, pour introduire un peu le CLAP, un autre exemple d'article qu'il y a dans le numéro. Du coup, quand on a commencé à réfléchir il y a plus d'un an maintenant de ça, à ce numéro sur la question du jeu et du risque, assez vite est arrivée l'idée, parce qu'on avait un copain et camarade qui était lui-même livreur à vélo, qui nous avait raconté non seulement comment il avait été admis dans l'entreprise de livraison, etc., et comment était un peu sa vie, son travail à l'intérieur de cette entreprise. On a décidé c'est typiquement un texte où on a passé commande, quoi. On s'est dit, il faut vraiment qu'on ait ces témoignages dans le numéro. Et du coup, voilà, il y a ce texte qui s'appelle « Prends le cool ». Donc « Prends le cool », c'est une traduction... c'est une traduction de « Take it easy ». Et du coup, c'est un témoignage assez précis d'un livreur sur quel est son quotidien de livreur, d'auto-entrepreneur. Ce qui nous a intéressé dans cette histoire de livreur à vélo par rapport au thème du risque, c'est que typiquement, c'est un métier où on demande aux livreurs de prendre énormément de risques. C'est-à-dire que dans le cas de Take It Easy, c'est ce qui est raconté dans le texte, la manière d'être... De devenir livreur, il y a une sorte de test où on doit suivre un livreur pendant sa course, un livreur qui est déjà en place, dont tout le jeu du livreur déjà en place, ça va être de te semer. Et du coup, toi, en tant que livreur en devenir, tu dois prouver ta capacité à griller tous les feux rouges, à te faufiler entre les camions, à pouvoir, dans un temps minime, tenir ton planning, livrer le plus de bouffe possible dans un temps record. Donc d'un côté, on demande de toi de prendre énormément de risques, et d'un autre côté, c'est le statut le plus fragilisant qui soit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune protection sociale, ton statut c'est auto-entrepreneur. Alors vous me dites, un livreur, si je crois qu'on ne dit plus auto-entrepreneur aujourd'hui. Micro-entrepreneur, voilà, c'est la nouvelle terminologie, mais qui revient au même, c'est-à-dire que tu crées ta petite entreprise de toi-même, et du coup, tu assumes tous les risques, c'est-à-dire que t'as pas le poste si tu grilles pas les feux rouges, mais par contre, si tu grilles un feu rouge, si tu as une amende, c'est toi qui payes, si tu te prends un accident, la boîte s'occupe pas de toi et surtout te paye pas le temps que t'as ta jambe dans le plâtre, etc. Du coup, tu prends vraiment le pire du risque à ton compte, quoi. Et pour le bénéfice plein et complet de l'entreprise qui ne t'emploie pas, mais avec laquelle tu t'associes. Donc voilà, du coup, ce témoignage revient sur cette étape de l'embauche. Et petit à petit, ce livreur livre un peu son rapport subjectif à ce boulot-là, la façon qu'il a de lui-même, paradoxalement, y trouver une... comment dire ? On peut pas comprendre ces boulots-là si on comprend pas aussi quelle excitation peuvent être provoquées par l'atmosphère de jeu qu'ils induisent. L'atmosphère de jeu et le côté aliénant. D'un côté, vous êtes aliéné par travailler, mais si tu travailles 10 heures, t'as un autre côté, tu prends du plaisir aussi, et tu peux prendre du plaisir un quart d'heure sur 10 heures, et ça te suffit pour rentrer chez toi et rentrer la tête haute, en fait. C'est la production de dopamine, en fait, quand on fait ce boulot-là. C'est ça, en fait. Et du coup, l'article raconte... on reviendra avec vous un peu plus précisément sur toutes ces histoires-là, mais il raconte notamment comment les petites satisfactions d'avoir le remerciement de la personne qui a commandé son hamburger et qui dit « Ah ouais, je vous ai suivi sur Internet, vous êtes super efficace. » Donc toutes les mini-gratifications, les petits défis individuels par lesquels ça tient. Toujours est-il que je ne vous raconte pas tout l'article, mais il essaye d'expliquer ça jusqu'à la fin de Take It Easy, qui est une entreprise comme énormément de start-up, complètement gonflé de manière boursière et qui tout d'un coup, parce qu'elle tient plus ses engagements, parce que tout d'un coup les investisseurs pour telle ou telle raison ne croient plus dans la possibilité de développement, se révèle le vide en termes de capital de tout ce qu'il y a derrière et ça s'est effondré en un jour. Donc il y a plein de gens qui n'ont pas été payés sur un mois de travail, ou je sais, puisque de toute façon ils n'étaient pas employés et du coup ils n'avaient absolument droit à rien derrière. Ce qui est intéressant, moi ce qui m'amuse dans cette histoire de cet article, c'est que du coup on l'a décidé il y a un an. Au moment où on en parlait, la personne qui a écrit, notamment là où vous la croisez, c'était sur les manifestations contre la loi travail. Et du coup un an plus tard, est né un collectif depuis qui s'appelle le CLAP, qui est aussi né en partie de ce mouvement contre la loi travail. Donc le temps de maturation de ce texte, c'est aussi un peu le temps de ce collectif, et que voilà, il y a des liens un peu entre ces histoires-là, et voilà, du coup c'était vraiment chouette de voir ce collectif qui naissait, surtout dans ce moment politique-là, c'est-à-dire on a un nouveau président qui est presque l'incarnation de cette nouvelle économie, qui va promouvoir l'auto-entreprise, et surtout ce qu'on raconte depuis des années, quoi, le capital humain, c'est-à-dire que chacun doit développer son propre capital et du coup va avoir des assurances, le système de protection sociale qui se transforme en système assurantiel, etc. Bon, je ne vous refais pas tout le chemin, mais du coup, tout d'un coup, le CLAP, quelle que soit sa jeunesse, etc., vient incarner la possibilité que ces gens qui ont aucun droit, etc., qui ont très peu, qui n'ont pas d'usine, qui n'ont pas l'endroit où se rassembler pour se syndiquer, qui n'ont pas le droit d'être syndiqués parce qu'ils ne sont pas employés, ou alors c'est peut-être plus compliqué que ça, ils nous raconteront, tout d'un coup, la possibilité qu'ils existent comme collectif, aussi fragile et neuf soit-il, ça nous a semblé de très bon augure pour l'avenir, quoi. C'est vraiment ce genre de micro-événement politique qu'on se dit que des choses peuvent continuer à tenir du côté de nos luttes. Et voilà, donc on est très content de vous recevoir. Du coup, Et voilà, peut-être que vous pouvez commencer à nous raconter un peu comment le chemin qui date, je crois qu'il y a un bout de temps, tout le chemin politique qui a mené à la naissance du CLAP. CLAP, c'est quoi? C'est le collectif des livreurs autonomes de Paris. Mmh. On est français, donc on s'est cassé la tête pour trouver un acronyme sympa, hein, bien sûr, c'est notre pays déjà, CLAP. Donc voilà, on était parti au départ sur le syndicat des livreurs indépendants parisiens. Le slip. On s'est dit que bon, ça faisait la blague, mais bon. En fait, ouais, voilà, El Khomri, j'ai envie de dire, El Khomri, si tu savais tout ce que t'as fait naître, et dans les manifestations, parce que oui, il y a beaucoup de choses qui sont nées dans les manifestations, c'est pas là qu'est né le CLAP, mais bon, quelque part, j'avais ça dans un coin de ma tête un jour. En fait, non, je l'avais pas dans un coin de ma tête, j'étais parti sur... Je vais laisser la parole aux jeunes après, parce que c'est surtout eux. Mais... J'ai commencé par me dire qu'en effet, il y avait une espèce d'escroquerie dans cette histoire de livreur à vélo, d'ubérisation, qu'en effet, il y avait une dimension jeu, mais quand on voyait ce qu'il y avait comme danger. Donc voilà, je me suis dit, c'est abject de payer des gens, des jeunes, à faire du vélo à la course, en fait. On paye des gens en rendement à faire un truc dangereux, et puis des jeunes, en plus, plein d'énergie, plein d'envie, plein de volonté. Donc, une des premières choses que je me suis dit, c'est marrant, je fais un boulot de facteur, je devrais presque être fonctionnaire, sauf que là, je suis l'antithèse du fonctionnaire, je suis l'auto-entrepreneur, le micro-entrepreneur, le macro-entrepreneur, et je devrais être protégé. Et j'ai commencé à me poser des questions, j'en ai parlé à des juristes qui m'ont dit, en effet, oui, Jérôme, en fait, tu devrais être salarié, et tu es salarié, en fait. Ah, j'ai dit, bon, d'accord. Parce que, voilà, il m'a expliqué ce que c'était que la subordination, ce que ça découlait. Et donc voilà, j'ai commencé à militer au départ tout seul, et puis on a créé des collectifs avec des gens, des collectifs nationaux qui se voulaient être un espèce d'agglomérat de toutes les luttes nationales, parce que ces plateformes-là sont dans toute la France, sont dans toute l'Europe d'ailleurs. À la suite justement de la chute de Take It Easy, il y a eu un phénomène médiatique qui a beaucoup porté la lumière sur en effet cette aberration de l'ubérisation. Et puis voilà, donc on a créé des collectifs, et puis il y en avait un peu partout en France, et puis il n'y en avait pas à Paris. Mais des jeunes un jour se sont rencontrés au hasard, parce qu'on avait construit, d'un rassemblement à Paris. Voilà, ils se sont rencontrés en se disant, voilà, on va faire un truc, un collectif à Paris, parce qu'il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que l'idée vient d'eux, pour le clap à Paris, parce que c'est la jeunesse en fait qui a un petit peu compris, sans forcément que je sois au contact, à leur contact, qui a compris à leur niveau qu'il y avait un truc à faire. Du coup, ouais, en fait, pour revenir sur la fondation en elle-même du CLAF, ça vient de cette mobilisation du 15 mars qui a fait, on va dire, un semi-flop. À la base, donc, on s'est rencontrés à nous trois, donc moi et un autre camarade qui n'est pas là ce soir. Donc on s'est rencontrés via le groupe Facebook Blocus Paris. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe on va dire assez particulier qui est né du mouvement contre la loi travail. Pour organiser des trucs, et bon, au final, oui, ça tourne beaucoup à l'humour de Toto, on va dire, pour être... Donc on s'est, à partir de fin mars, on a commencé à se réunir à la Bourse du Travail, avec Jérôme, qui a permis de faire venir un peu tout le monde qui connaissait d'avant. En fait, je les connaissais pas, mais vu que je suis assez curieux, je parle à beaucoup, beaucoup de livreurs sur Paris. Enfin, Jérôme m'en avait parlé, il m'a dit de venir à une réunion, puis je suis venu et j'ai vu qu'il y avait d'autres livreurs qui étaient aussi qui étaient bien engagés. Du coup, on a commencé à se lancer sur un collectif et honnêtement, la volonté de se mettre en collectif, c'est que ma volonté à moi, elle est partie du fait que avec des potes livreurs, on allait souvent se plaindre au bureau Deliveroo. Mais bon, eux, ils ont digué le problème parce qu'on était quelques-uns, 1, 2, 3, 4 qui y allaient. Et c'était assez régulier, ce qui faisait que ils nous envoyaient chier. Bon. Ils reviendront demain ou dans 3 jours ou dans une semaine, puis ça sera des nouvelles têtes. Et le truc, c'est que c'était plus simple pour eux de faire barrage à un ou deux mecs. Quoi le genre de problème que vous posiez, mettons, quand vous allez au bureau Deliveroo? Quand on allait au bureau, c'était... ça allait de tout et un peu n'importe quoi. C'était des problèmes de paye, ouais, on en avait marre d'être mal payé. On avait des commandes à rallonge. Commandes à rallonge, ça veut dire... initialement, c'est des commandes qu'on nous avait promis à pas plus de 4 km. C'est-à-dire distance entre, au moment où je sonne, que je vais au resto, et du moment où je prends ma commande au resto et je livre au client. C'était maximum, dans le contrat, c'était 4 km. On s'est retrouvé à faire du 8 km. Ce qui était hallucinant avec des timers. À combien la course? 5,75. Ce qui fait qu'avec l'expérience, on a dû apprendre de nous-mêmes comment roder le système pour faire en sorte d'éviter d'avoir des commandes comme ça. Et le truc, c'est qu'on en avait marre un peu d'y aller, de se faire recaler. Comme ça, mais on savait que à chaque fois qu'on va au bureau, eux, ça les ralentit dans leur travail. Ça les fait chier parce qu'ils sont pas formés à ça, ils sont comptables, ils sont pas là pour faire du social avec des livreurs. Et le fait est aujourd'hui, ils reçoivent encore une 50aine de livreurs par jour, et ils recevaient ça toute la semaine. Et aujourd'hui, ils ont réduit, ils ont ouvert lundi, mardi et vendredi, en après-midi de 14 à 17h, pour au minimum voir des livreurs venir s'entasser au bureau. Ce qui fait que bah, on n'a plus de contact. Maintenant, quand on y va, on se fait bâcher par une tablette à l'entrée nous demandant pourquoi vous venez. Et si la tablette a jugé que notre demande était inutile, elle nous envoyait une adresse mail comme quoi il fallait. Ce qui est dingue, c'est que c'est exactement les mêmes méthodes que Pôle emploi ou la CAF. Mmh. Enfin, je veux dire, la CAF, pour éviter la réclamation, ils ont réduit exactement les heures de présence. Mmh. Et pareil, maintenant, il y a un espèce de. Pour les Pôle emploi, on te renvoie sur la borne en disant prends rendez-vous, tu peux appeler le 3949 Pôle emploi. Ils ont la place. Quoi ? Ouais, mais finalement, c'est juste. Bah, après, c'est ce que racontent les collectifs de chômeurs depuis longtemps. C'est que finalement, les institutions sociales comme la CAF ou Pôle emploi s'inscrivent exactement dans la continuité du travail. De décourager au maximum pour éviter de venir en fait. Mmh. Plus on décourage, moins il y aura de demandeurs. Mmh. Et ce qui fait que bah, je me suis dit qu'un collectif c'est quelque chose de mieux parce que c'est plus récurrent en fait. Et ils auront plus de mal à se débarrasser d'un collectif qui a ni tête ni nom, enfin si un nom, mais ni visage que je suis plus dans l'esprit Anonymous, un peu dans l'idée que c'est plus une entité que même nous, si on n'est plus là demain, d'autres livreurs peuvent reprendre le clap et continuer à le faire vivre. Et c'est trop dur à une plateforme d'endiguer ce problème parce que c'est quelque chose qui devient latent en fait. Ils sont obligés d'à un moment donné de négocier avec. Alors que quelques livreurs, au pire, s'ils se manifestent trop, on le vire. Il y a un truc qui s'est passé l'année dernière. Avant le clap, on avait créé un collectif, ça s'appelait le collectif coursier, un petit peu avant la chute de Take It Easy. Et quand la boîte a fait faillite, on a eu, je disais, beaucoup de médiatisation. Et le collectif coursier, on était à la fin de l'année 2016, on était presque 1500. Les plateformes ont commencé à prendre conscience de l'importance de ce collectif parce qu'on représentait presque 15-20% de la masse totale des livreurs, parce qu'il y avait des livreurs de toute la France. Et donc, en fin de compte, des livreurs, enfin, ils appellent ça, c'est chez Foodora, des capitaines. On n'est plus dans le salariat, on est carrément dans le militaire. Et donc, des capitaines sont arrivés sur le forum, enfin, sur le groupe, en fait, Facebook, en mode troll, en mode insulte, en mode violent, en mode trash, pour essayer de décrédibiliser, de saper le moral de tous les autres. Genre, on est les capitaines, on est là, ça sert à rien d'écrire parce qu'on vous surveille. En fait, des messages très, très... Pour info, c'est un représentant de la plateforme. En fait, c'est pas, on va dire, c'est pas le meilleur livreur. C'est plutôt c'est un peu le leader des livreurs dehors. En gros, c'est censé être le mec qui connaît tous les livreurs du quartier et qui va leur rapporter. Originalement, c'est ça, il doit connaître tous les livreurs du quartier et rapporter les plaintes des livreurs auprès du bureau pour qu'ils en discutent ensemble. Alors que officiellement le capitaine, je l'ai vu une fois en un an. Et ils sont salariés, hein? Non, le pire c'est qu'en plus c'est des autres entrepreneurs. On les connaît pas. Ils sont censés être présents, on les voit pas. Le collectif sur Facebook est donc un gros collectif, s'est retrouvé trollé par 4 ou 5 mecs. Et là, j'ai senti les limites du numérique, en fait, de militantisme sur le numérique, parce que n'importe qui, c'était leur boulot aux plateformes d'être sur le numérique, donc elles actaient facilement, elles ont récupéré le truc. Donc j'ai créé un autre groupe, le fameux groupe national, avant le clap. Et là, je me suis aperçu qu'il fallait aller sur le terrain parce qu'il fallait vraiment que j'aille au contact. C'est pour ça que je me suis rapproché aussi d'un syndicat, le syndicat que j'avais rencontré sur les lieux de travail, qui était la CGT. Et ils m'ont permis de me déplacer un petit peu partout en France pour aller sur tous les collectifs justement de province, pour retourner sur du terrain et pour faire du lien. Et ce qu'on a fait avec le CLAP justement, c'est qu'on est très très vite sorti. On est né sur le terrain plus que sur le Facebook. Après les Facebook machin, on s'est revenu comme un instrument média, mais on est sur le terrain, on est dans les manifs, on est présent et on s'aperçoit qu'au niveau justement de la représentativité, tout de suite ça va beaucoup plus vite qu'un groupe Facebook qui est facilement trollable en fait. Le terrain, il y en a toujours qui viennent dans les manifs, il y a des nouveaux, il y en a qui viennent plus, il y en a qui viennent. FPP, FPP, FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 FM, FPP, FPP, radio musicale, culturelle, solidaire et politique. Retrouvez tous les programmes sur le site www.rfpp.net. Gardez l'écoute. le patron, il est passé sur RTL, il a refusé de donner le moindre chiffre, à part dire que tout va bien, que l'avenir est rose, que la société se porte très bien, et malgré l'insistance du journaliste de RTL, qui est une radio de droite, il n'a pas voulu donner le moindre chiffre. Alors, les plateformes communiquent sur différents chiffres, ils communiquent sur leur nombre de clients, ils communiquent sur leur levée de fonds, ils communiquent sur leur nombre de commandes, sur leur nombre de livreurs, il n'y a qu'un truc sur lequel ils ne communiquent pas, c'est sur leur chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce qu'ils n'en font pas, en fait. Il faut savoir, quand on sait que ces plateformes-là ne gagnent pas d'argent, elles ne vivent que des levées de fonds qu'elles obtiennent de financeurs qui sont là pour investir justement dans la casse du travail, dans la baisse du coût du travail, dans la casse du salariat, ni plus ni moins. C'est quand tu vois qu'une boîte comme Uber vaut, entre guillemets, 60 milliards, alors qu'elle ne représente pas grand-chose, en fait. Évidemment, elle n'a pas de masse salariale, donc c'est le bénéfice de ces investisseurs qui investissent là-dedans en disant, à l'horizon de 10-15 ans, le travail sera complètement indépendantisé et on n'aura plus de salariés. Et en plus, si ça a pris en France, Uber, surtout en France, c'est aussi parce qu'en France, le travail est à un prix, certes, et donc ça crée du chômage, un chômage structurel. Et donc, en effet, c'était une manne pour eux, tous les jeunes de quartier. En début d'année, Uber affrétait un bus, Uber, et il faisait la tournée de tous les quartiers du 9-3, du 7-8, enfin, Poissy, tout ça. Ils allaient dans tous les quartiers pour aller chercher des jeunes, en fait. Ça m'a fait penser aux caravanes de recrutement de l'ancien régime ou des guerres napoléoniennes où tu avais un type qui arrivait avec un type bien habillé, avec un beau costume et qui disait « Engagez-vous, quoi. Engagez-vous, vous verrez du pays. » C'est exactement la même chose chez Uber. C'est « Venez, engagez-vous, vous aurez un costume et une cravate, quoi. » Moi, c'était pour revenir sur la question du syndicat. C'est que vous avez choisi la forme du collectif et... Pourquoi ? Est-ce que ça bloque de créer un syndicat à cause de votre statut ? Est-ce que c'est un choix ? Et tu renvoyais au 19e siècle. La réponse au 19e siècle, ça a été le syndicalisme d'action directe au départ. Aujourd'hui, on n'y est peut-être plus. Mais est-ce que du coup, la question du syndicalisme ne se pose pas quand même ? Ben, l'action directe, oui, 19e siècle, avec tous les drames qui ont eu lieu. Maintenant, on est dans de la révolution numérique. Donc l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut très très vite se servir de ce qui est notre outil de travail comme une arme, en fait. Enfin, je prends souvent l'exemple des fourches de la Révolution française qui étaient des outils qui se sont retrouvés des armes. C'est très très schématique, mais grosso modo, on a réussi à faire péter le système, notamment à Marseille il y a quelques semaines, en bloquant l'application, en faisant des grèves, en faisant des piquets de grève. Et on en arrive au syndicalisme. Le syndicalisme, j'y vais avec un collectif, on a acté un collectif parce que le syndicalisme pur et dur, enfin, très très tôt, on m'a insulté de cégétiste, en fait. Et les jeunes qui étaient là pour travailler, qui n'étaient pas encore, qui n'avaient pas vu tout ce que moi j'avais déjà vécu. Mais je sais que le syndicalisme a du mal. Il va arriver à un moment, mais pour l'instant, la carte syndicat, cégétiste, enfin CGT ou quel que soit le terme, le nom, voilà, pour l'instant, il y en a encore plein qui ne sont pas au courant de la loi, qui disent oui, mais on n'est pas des salariés, on ne peut pas être syndiqué. Tu veux pour un jeune, la loi nous l'autorise. Dire rejoins un collectif. Il va mieux le prendre que rejoindre un syndicat. Ouais, parce que là, il va dire oulala, ça part trop engagé. Moi je veux juste participer à la manifestation, je veux pas aller plus loin. D'accord, mais c'était juste plutôt que le syndicat, il attaque sur le droit du travail, sur le droit, sur la question de la loi. Et si vous faites des piquets de grève individuels ou des choses comme ça, est-ce que justement la répression va pas être individuelle alors qu'au contraire. Les piquets de grève sont collectifs. Ils ont fait ça, je disais, à Marseille il y a un mois. À Marseille, pourtant, je ne les connaissais pas. Ils étaient relativement corporate, en fait, dans le moule. Ils bossaient, ils faisaient un petit peu de blé. C'était des jeunes, des étudiants en commerce. Ils faisaient du business, en fait, comme ils disent. Je suis allé passer 3 jours avec eux. Et un jour, ils ont vu leur nouvelle tarification qui arrivait pour le mois d'après. Tous les mois, la tarification change. Évidemment, à la baisse, hein, très souvent, parce que le but de ces plateformes, c'est de faire baisser le coût de la livraison. On est bien d'accord. Et donc les mecs ont vu leur navire, ils ont dit on arrête, on va gagner moins d'argent, donc on arrête de bosser. Ils ont bloqué 3-4 restaurants à Marseille. Dans les 3 jours, Deliveroo a dépêché des ambassadeurs pour aller négocier avec ces gens-là, quoi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se sont rassemblés via un groupe Telegram, voilà. C'est vrai que oui, l'outil... Les blocages du resto, ça consiste en quoi ? En fait... Ils étaient une quinzaine au départ, des potes en fait, des potes, parce que bon, Marseille n'est pas si grand que ça, mine de rien, ils se connaissaient tous, et puis dans la rue, le marché des livreurs à Marseille est quand même jeune. Ouais. Il n'est pas encore énormément développé, je pense qu'il doit avoir, je sais pas, 40 restos sur Marseille. Hein. Ouais, enfin, à peine. Alors que leur bloquer une dizaine de restos, c'est leur bloquer un quart de leur marché. Et bloquer un resto, c'est concrètement ne pas laisser un livreur rentrer, ne pas laisser une commande sortir. Ce qui fait que le truc, c'est pas comme si on leur bloquait une tablette. En gros, une tablette, ça serait leur bloquer complètement... comment je pourrais dire ça? En gros, bloquer une tablette, c'est en gros, c'est déconnecter un restaurant de l'application. Sauf que si tu le déconnectes, le client face à son côté de l'application va pouvoir commander autre part. Alors que si tu laisses le client commander dans le resto, mais tu laisses pas la commande partir, il aura payé, Deliveroo va devoir rembourser le client et rembourser le resto pour le fait qu'ils ont produit de la matière en fait. Et puis pour ce qui fait que ça crée de la perte. Donc si tu bloques 10 restos sur 40, finalement ils perdent autant que si ces 40 restos avaient tourné, tu vois. Au niveau chiffre d'affaires, c'est pour ça qu'un petit truc comme ça peut être très preneur en fait. Et puis surtout de piquer une tablette dans un restaurant, c'est vrai que c'est invasif et bon, pour le coup, la police peut se déplacer. Oui. Le fait de faire un piquet de grève devant un restaurant en empêchant les livreurs de rentrer, ou à la limite, bon, si vraiment il y en a un qui veut absolument bosser, il ne l'empêchait pas. Il y en avait un sur deux qui passait. Mais... Je dis, il fera une chute dans 100 mètres. Ce qui s'est passé en plus, c'est par capillarité, les livreurs qui n'avaient pas été au courant du truc, qui n'étaient pas sur le groupe Telegram, ils sont arrivés dans le restaurant, ils se sont fait récupérer par le piquet de grève. Au début, ils étaient 2-3 devant le restaurant, à la fin, ils finissaient 7-8. En plus, ils ont fait ça devant 4 restaurants à Marseille. Et en une soirée, avec 4 restaurants bloqués, ils ont fait péter le système en fait. C'est-à-dire que d'un côté, tu avais Foodora, tu avais Deliveroo qui envoyait des messages à des clients. Oui, excuse-nous, il y a beaucoup d'attentes ce soir, il y a beaucoup de clients, tatati, excuse-nous, pardon, excuse-nous. Et puis d'un autre côté, tu avais des livreurs qui recevaient des messages. Hey, les gars, il y a beaucoup de commandes ce soir, inscrivez-vous, faut aller bosser, quoi. Alors qu'en fin de compte, les mecs, ils étaient en grève. Donc c'était super drôle. À 10 mecs, 4 restaurants, ils ont fait planter le système. C'est pour dire la fragilité d'une économie comme ça. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur. Je me demandais juste là, du coup, vous disiez là tout à l'heure que les plaintes individuelles ça marchait pas trop face au bureau et qu'en plus ils ont fermé le bureau et tout. Enfin, du coup, avec le club, vous allez collectivement dans les bureaux et réclamer des trucs. C'est une opération suicide, ça. Mais du coup, pourquoi on va pas faire qu'on. Eux, c'est pas dans notre intérêt d'aller négocier avec eux. Enfin, moi personnellement, je pourrais continuer à aller les voir s'il y a un problème. Mais pas en tant que clap en fait. Ouais. Mmh. Ouais, c'est ça en et fait. Et du coup, concrètement, vous réunissez, vous faites des. Qu'est-ce que vous faites concrètement? En fin de compte, on va vers de la syndicalisation en fait. On va vers de la syndicalisation pour se protéger parce que c'est l'urgence. Les livreurs. Enfin, On ira discuter avec eux s'ils nous invitent à discuter en fait. Ouais. On les appelle à nous inviter à discuter et justement, c'est ce qu'ils veulent pas faire. On n'ira pas nous-mêmes ouvrir la porte et nous imposer en fait. Sinon, c'est plus du tout dans notre démarche, en fait. Pourquoi ce serait difficile, tu disais? Parce que, concrètement, ils mettent des têtes sur le club, en fait, tu vois. C'est ça. Et clairement, ils virent, c'est plus facile. On vient à leur porte nous identifier, en fait. On n'a pas le droit de critiquer d'aucune manière, enfin, c'est inscrit dans le contrat, quoi. On n'a pas le droit de critiquer d'aucune manière la plateforme pour laquelle. Ouais, t'es cheval de Troie, mais je sais pas comment c'est Foodora, mais Deliveroo, c'est dans le contrat. Moi, je parle pas. Ce soir, c'est illégal. Ouais, bah, en gros, ouais, c'est ça, ouais. Puis, genre, il défile masqué. Une manifestation avec la banderole et tout, où on dit merde, enfin, si c'est la merde et tout, tu vois, bah, c'est illégal. C'est pas illégal, mais c'est un motif de. Contre contrat de travail. C'est ça. En manifestation, ils ont coupé notre localisation. Oui. Ah oui. Parce que vu qu'ils ont accès à notre localisation, ils peuvent savoir où on se déplace, qu'est-ce qu'on fait, par exemple en livraison, si je vais à contresens, ils peuvent m'appeler, me demander qu'est-ce que je fais pour aller en contresens. Ah c'est oui. Déjà arrivé sur 500 mètres, j'ai la route, elle est bloquée. Et il me fait oui, non, mais tu prends du retard, donc je passe à travers les murs. Donc voilà, ils ont une application qui est un algorithme qui tourne sans prendre en compte certaines rues de Paris, donc ça veut dire l'algorithme traverse des murs. Et on doit les traverser apparemment. Mais c'est vrai que la loi travail nous autorise à faire grève sans motif, sans que ce soit un motif de rupture. C'est marqué dans la loi, tatati. Sauf que, ok, c'est marqué dans la loi, on va faire grève, on va se faire virer. Après, c'est très très compliqué. Si on n'est que quelques-uns, ça s'est passé à Bordeaux début de l'année dernière. Ils ont viré des gens. La loi n'avait pas encore été promulguée. Et ils se sont fait virer, les gens ils n'ont pas réagi. Et donc il y en a une dizaine qui se sont fait couper la tête. Maintenant c'est plus se faire virer, se faire désactiver en fait. T'as plus de boulot, tu peux plus te connecter à la plateforme. Et puis tu reçois une lettre ou pas, ou un coup de téléphone pour te dire que t'as plus de taf. Non, ce que tu reçois en premier, c'est un mail recommandé. La dernière fois, j'étais parti à Deliveroo avec un ami réclamer un truc pour du matériel. On parlait, son téléphone a sonné, il ouvre le mail. Deliveroo, c'est le bureau qui lui dit que vous avez, en gros, qu'il a été viré. Du coup, il a pété un câble, il était dans le bureau. Du coup, il était voir un membre du bureau, il leur a dit qu'est-ce que c'est que ça en fait comme mail. Et bizarrement, ils l'ont recruté directement après. Je dis oui, c'était une erreur. Mais en fait, c'est qu'ils virent beaucoup de livreurs pour tout et pour rien en fait, parce qu'ils ont beaucoup trop de livreurs sur Paris. Et le truc, c'est qu'ils essaient de réduire leurs effectifs. Parce que pour le rush d'hiver, on recrute énormément. Et pour le rush d'été, on met très peu de place sur les plannings. Et tous les livreurs qui viennent pas, on les vire. Tous ceux qui sont moins performants, on les vire. Et en fait, il y en a beaucoup qui se retrouvent au chômage du jour au lendemain. L'objet de la syndicalisation, pour terminer, en fait, l'objet de la syndicalisation, c'est surtout d'offrir une réponse ciblée et rapide aux livreurs, d'envoyer une lettre suite justement une désactivation par lettre recommandée ou par mail, d'envoyer une lettre avec un cachet CGT ou Sud qui a un vrai impact dans ces boîtes-là, parce qu'elles ne sont pas du tout habituées. Enfin, c'est des gens qui sortent d'école de commerce et qui n'ont pas du tout la culture du management type classique avec face à des syndicats ou des groupes de négociation. Il y avait une question là-bas. Moi, j'avais une question formulée aux jeunes, mais avant, je voudrais répondre. Un contrat, ça se lit en droit, les clauses abusives. Ça existe sur les contrats. Ça, c'est le rôle des syndicats, de faire annuler par les tribunaux les clauses abusives. Et là, ne pas avoir le droit de critiquer la société, etc., sous toute réserve, il faut lire l'intégralité du contrat, mais moi, ça me paraît être une clause abusive. En soi, critiquer face à un autre de leurs partenaires, je pense qu'envers un restaurant, faire en gros vraiment de la sale pub... Tu rentres dans un resto. Faire de la mauvaise pub, non. Voilà, cette clause, ouais. Par contre, faire comme on fait là, ça pour moi, c'est pas critiquer des verrous. Exactement. Parce que là, en fait, vous êtes des potentiels clients, vous tous. Vous n'êtes pas des partenaires restaurants, vous n'avez pas un restaurant chacun. Et c'est pas comme si que je faisais un appel à arrêter de travailler avec des verrous. Là, dans ce cas-là, c'est une cause de rupture de contrat. Et la question que je voulais vous poser, c'est comment se fait-il que pourquoi des jeunes comme vous acceptent de travailler avec ce statut d'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur? Moi, j'ai 50 ans. Là, je suis au chômage. On m'a proposé X fois ce statut d'auto-entrepreneur. Quand j'ai calculé les droits sociaux auxquels je peux avoir droit en tant que salarié ou en tant que chômeur par rapport à ce qu'on propose ce statut d'auto-entrepreneur, faut clairement pas le prendre. Il y a X années que j'ai fait une croix sur ce statut. Et donc, moi, je me demande, qu'est-ce qui fait que des jeunes de votre âge... Voilà, c'est assez simple, c'est que... Pour prolonger cette question, ça ressemblait un peu à ce que je voulais dire, c'est que... À mon avis, c'est vraiment important d'arriver à comprendre qu'est-ce qu'il y a de séduisant dans cette proposition d'emploi-là par rapport à un emploi classique. Et parce qu'on ne pourrait pas comprendre comment ça marche si on ne comprend pas aussi... C'est un emploi non qualifié. C'est, non, non, du tout. C'est trop réducteur de dire non qualifié. Parce que, ouais, en soi, tu n'as pas des grosses qualifications, mais il faut savoir qu'il y a une connaissance de la route qui est vraiment différente. Et sur la route, tu croises des vrais cyclistes. Comme des petits mecs avec leur vélo qui débutent sur la route, et quand tu les vois à Paris, c'est des poissons dans l'eau. Ils remontent le courant, ils ont du mal. Alors qu'un vrai cycliste, il est vraiment habitué à tous les dangers de la route, et la route parisienne, elle est très, très, très, très dangereuse. Pour revenir sur l'embauche, très clairement, il n'y a aucune qualification requise. Enfin, moi, ils ont testé mon vélo, les freins, ils ne marchaient pas sur le moment. Le mec, il manque de se casser la gueule, il fait, il va falloir s'arrêter. Ouais, oui, bien sûr. Sinon, je l'ai suivi, le mec, il allait très lentement. Donc ça, c'était ça qui change un peu par rapport à l'article vis-à-vis de Tech. Mais ce qui est séduisant pour un jeune... C'est Deliveroo, c'est vraiment c'est la masse, ils recrutent la masse, et tant pis si les mecs savent pas faire, c'est pas grave s'ils sont pas rentables. De toute façon, il y a d'autres gens qui sont pas là pour être rentables. C'est ça, on n'est pas là pour être rentables. Déjà, ouais, on fait la pub pour des levées de fonds, et ensuite, bah, il y aura bien des gens qui vont faire ces courses-là, qui vont récupérer ça de ceux qui savent pas les faire, quoi. C'est absolument pas un problème. Ouais, je voulais dire, il y a plusieurs choses qui sont attirantes pour les livreurs. Parce qu'il y a plusieurs générations de livreurs chez chaque plateforme. Tu auras des anciens livreurs qui sont là depuis 2-3 ans, qui ont rodé le job. Et eux, quand ils ont commencé, comme Jérôme à ses débuts, ils étaient à 7,50€ de l'heure, plus 4€ de la livraison. Ce qui fait que pour ces mecs-là, à l'époque, c'était vraiment bien rentable. Ils faisaient 4 livraisons en 1 heure, ça faisait 16€ plus 7,50€, ils tournaient à 24€ de l'heure. Et à ce moment-là, avec des tarifs comme ça, tu peux être diplômé, tu peux juste te consacrer à ça à temps plein en fait. Mais aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait un an et demi, ouais, plus un an. On est tombé sur plus la nouvelle génération de livreurs, qui fait que en gros, les plateformes, leur utopie du livreur parfait, ça serait un jeune sportif étudiant qui habite sur Paris. Et ça, c'est super important. Parce que l'idée, en fait, c'est que si tu habites sur Paris, tu sors en bas de chez toi, en 15 minutes, t'es dans la rue, t'es prêt à livrer. En 15 minutes, t'es rentré chez toi. Et niveau rapidité entre le lieu de travail et le domicile, c'est très intéressant pour un jeune parce que, en fait, au niveau de la rentabilité, le temps de trajet, c'est quelque chose déjà que tu gagnes. Et surtout pour un étudiant, si tu considères un travail de livraison comme un job, à ce moment-là, pour moi, ce job-là, c'est un luxe. Hein, parce que comparé à du babysitting ou... des jobs de merde vraiment étudiants, on gagne mieux que tous mes amis étudiants à la fac. Alors que si je considère ça comme sur le marché du travail comme un travail, on est les plus précaires de la chaîne. Et c'est à deux échelles différentes. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup de jeunes qui font ça. C'est souvent parce que soit c'est des étudiants, ou soit c'est des personnes qui sont au chômage. Ils sont au chômage, ils sont qualifiés, ils trouvent pas de métier dans leur branche de qualification. Et ils font ça juste par passe-temps, ou soit c'est s'ils font ça parce qu'ils ont rien à faire. De toute façon, si Uber va recruter dans les quartiers, c'est parce qu'en effet, il y a une pénurie de travail, parce que les jeunes sont plus stigmatisés à l'embauche, donc évidemment... Et généralement, les jeunes qui viennent restent 2-3 mois, ils restent pas plus longtemps. À part ceux qui s'attachent au job et qui commencent à se revendiquer leurs droits plus tard. Mais c'est vrai que tu as des jeunes qui font du 60-70 heures par semaine, et ils finissent le mois à 5 000€. Et c'est énorme, pour un jeune, c'est énorme. Tu recouvres tes frais pour septembre, octobre, novembre d'études. Ce qui fait que, ouais, tu te promets ça, c'est pas mal. Mais bon, après, pour le risque et pour la fatigue que tu prends, c'est très peu. C'est pour ça que c'est assez attirant, ouais. Il y a une autre question ici. En fait, ça rejoint des articles qu'on avait fait dans Jeff Clack sur les métiers en fait plus culturels, donc l'édition, la mode, le cinéma. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que cette espèce de dérégulation du travail où tout le monde est auto-entrepreneur, où il n'y a pas de contrat de travail officiel, ça rejoint les choses qui ont été expérimentées des années 80 en fait sur les métiers de l'édition, les métiers du cinéma, les métiers de la chanson, les métiers du théâtre, etc., etc. C'est-à-dire comment, en fait, tu vas ne pas faire de vrais contrats de travail, comment tu vas obliger les gens à être freelance ou auto-entrepreneurs, leur promettre des monts et merveilles au début, mais il faut que tu fasses tes preuves. Et si tu en veux vraiment, eh ben, tu vas finir par être rappelé, etc., etc. Moi, je vois qu'un des avantages, un des trucs désirables dans cette histoire-là, c'est aussi le truc, j'ai l'impression, de se dire, au moins d'avoir l'impression, après vous allez me dire si c'est vrai ou pas, de se dire, je peux travailler à peu près quand je veux. C'est-à-dire, je ne suis pas dans une usine où, au début, tu te dis, je ne vais pas aller à 8h au boulot, finir à midi, recommencer à 13h et finir à 17h. C'est genre, je vais pouvoir aménager mes horaires de boulot, si une semaine, je n'ai pas envie de bosser, je ne bosserai pas. Et en fait, il y a cette espèce d'illusion qu'ils ont réussi à nous mettre dans la tête, où ils ont bien compris qu'en fait on voulait plus de l'usine, on voulait plus des horaires de boulot, on voulait plus de tout ça, et que du coup on va proposer aux jeunes un truc genre à la cool, choisis ta vie, et en plus tu vas gagner plein d'argent au début et tout ça. Et donc j'ai l'impression qu'il y a ce truc désirable de pouvoir croire que t'es autonome, en fait. Te faire croire que t'es autonome et qu'en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, si tu veux vraiment gagner ta thune, il va falloir que tu bosses comme un dingue, des fois pire qu'en usine, quoi. Et que c'est là où ils sont forts parce qu'ils nous arnaquent là-dessus. Et ce que je veux dire, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la qualification, ce système-là, il dépend pas du tout d'une sous-qualification de, parce que, par exemple, sur là où ça a été expérimenté, donc dans les métiers de la culture, au contraire, ça a été expérimenté dans des endroits où les gens étaient hyper qualifiés, quoi. Et donc c'était justement parce qu'ils étaient hyper qualifiés qu'on s'est dit, ils vont faire des sacrifices, parce qu'en fait, ils se la pètent, ils pensent que, hop, tu vois, c'est les rois du monde, donc on va leur faire croire que c'est normal qu'ils bossent pas, enfin qu'ils bossent gratuit pendant plusieurs années, et puis qu'en fait, ils vont avoir la gloire, Hollywood et compagnie. Et en fait, c'est là-dessus, donc c'est pas une question de qualification ou pas, c'est plutôt une question de où est-ce que joue le désir de liberté, d'autonomie, et où est-ce que joue, en fait, comme vous disiez, la pénurie de boulot stable par ailleurs, et que de toute façon, t'as pas le choix, en fait, c'est ça ou rien, c'est ça ou crève, ou c'est ça ou effectivement l'usine, et que t'as pas envie, et que pas pour rien, et voilà. Ça au McDo, etc., effectivement. Mais moi, ma question, enfin, j'avais deux questions par rapport à tout ça, c'est, donc dans ces métiers de la culture, par exemple, des fois, il n'y a même pas de contrat. Donc apparemment, vous avez un contrat, mais quand on parle de désactivation, c'est déjà dingue. Enfin, moi, ça me fait délirer que vous repreniez le terme, mais à votre compte. Mais... J'ai inventé, parce qu'il faut stigmatiser sur le côté désactivation Terminator, un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, même les livreurs en soi l'utilisent. Hein. Même le bureau appelle ça une désactivation. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, moi, par exemple, dans le milieu de l'édition, c'est même la question que je me fais virer ou pas. C'est genre, si jamais je commence à critiquer mon employeur, bah, juste, il me rappelle pas, point. Il a même pas besoin de me virer, ouais, en fait. Il balance le game over. Ouais, voilà, c'est ça. c'est même pas un truc de je te vire ou je t'emploie. C'est genre, je fais appel à toi, tant que t'es gentil et que t'es docile et que tu fais le taf et que la prochaine fois je te paye moins et tu fais encore plus de taf et que tu fermes ta gueule, je te rappelle. Et puis au moins, je te rappelle plus si jamais tu fais chier. Est-ce que c'est pareil ou pas, en fait ? Ça, c'est la disponibilité aussi. Ce qui se passe, les plateformes, c'est qu'elles gèrent quand même des masses de jeunes dans lesquels, des fois, il est bon d'envoyer un message, quoi. Et donc... Juste ne pas rappeler un mec ou le désactiver pour plus qu'il ait accès, non. Il faut en plus le virer, en plus l'appeler, et puis voire même diffuser l'information. Mais c'est pas un vrai licenciement. C'est pas un vrai licenciement. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on parle pas de licenciement. Toi, ils peuvent te désactiver sans raison valable. Ils peuvent te désactiver, mais ils le font même pas. C'est dire à quel point ils se considèrent eux-mêmes, quelque part, comme des employeurs, en fait. Comme des patrons. Parce que quand même, les managers de ces boîtes-là, même s'ils n'ont pas fait de vélo, s'ils n'ont jamais livré et fait de la bouffe, ils ont quand même l'esprit de management, en fait. Je veux juste revenir sur le fait qu'en fait, vous êtes un peu tous dans des boîtes différentes, et pourtant, vous avez l'air de vous connaître. Et même à ce que tu disais, avant, en fait, les collectifs et tout... Il y avait déjà de la connaissance entre... Des fois, on voit quand même des livreurs qui se regroupent un peu dans des petits coins. Il y a presque des salles de pause dans la rue. Et du coup, il y a des croisements. Et puis, juste pour finir, ça me faisait penser, en fait, à la banderole du Mimel, la rue est notre usine. Où, en fait, on disait, c'est pas une usine, mais en fait, il y a quand même moyen... Si la rue, c'est l'usine, il y a quand même moyen de se trouver des salles de pause à des moments. Comment ça se passe, tout ça, quoi. En vrai, ces points de rassemblement, c'est généralement... Ils ont même été mis en place par les plateformes, en fait. C'est tout simplement les épicentres, les points de connexion des zones où les travailleurs, enfin les livreurs se connectent. Ce qui fait que habituellement les livreurs se viennent ici, ils s'arrêtent, ils se connectent, puis ils s'arrêtent, ils prennent leur pause. Et en fait, c'est à une certaine époque où on était payé à l'heure, ces points-là ils étaient vraiment bien parce que justement, on était une trentaine à être autour du point. En gros, le radar, il va préférer piocher un livreur qui est tout seul à trois rues à côté. Un des 30 livreurs, ce qui fait que quand tu es payé à l'heure, tu restes là, tu brasses 2-3 heures, tu es payé, mais tu te fatigues pas, exactement. Et leur avantage de nous faire tous passer à la course, c'est de dissoudre ça. Et eux, ils en avaient marre de ça, en fait, cette masse de... En fait, ils nous appelaient les branleurs. Parce que genre, on était payé à rien faire, mais absolument pas, en fait. On trichait pas avec le système, c'était leur système. La première contestation qui est née chez Take It Easy, elle est née du fait que justement l'épicentre des restaurants partenaires de Take It Easy, c'était la place de la République. Donc on s'est retrouvés, au début on était 5, 6, et puis on était 10, 12, et puis on était 15, 20, on était 27 en fait, 27 à attendre la commande dans la rue. Et c'est vrai que quand on attend la commande, quand on n'a pas de boulot, on discute, quoi. Et puis on en a ras le cul, et puis on a de moins en moins de taf, et puis on a de moins en moins de blé, et puis on a de moins en moins de ceci, moins en moins de cela, et puis ça va continuer à descendre. Donc c'est là que la contestation est née. C'est ce qui me fait dire que des fois que l'ubérisation, enfin du moins la nôtre, les livreurs à vélo, le cancer, enfin le verre est dans la pomme, parce que le rassemblement, le fait qu'on soit mobile, qu'on soit dans la rue, qu'on puisse se rassembler, déjà le lien il est là. Donc c'est pour ça que par rapport à d'autres métiers qui sont plus isolés, je pense par exemple aux nounous, aux femmes de ménage qui sont en voie d'ubérisation, il y a des plateformes qui proposent, tout à l'heure je prenais le métro, il y a marqué « qui nous garde », bon c'est un nouveau truc, j'imagine que c'est des auto-entrepreneurs, j'imagine pas qu'il y ait des salariés, c'est plus du tout à la mode. Ouais, pour le ménage. Par contre les trottoirs, les nounous, elles ont un point de rassemblement qui est le parc. Ouais. Et vraiment, c'est pas un petit point de rassemblement. Sur le truc usine, je trouve ça hyper bien parce que ça casse le côté sexy aussi. Parce que l'ubérisation, ça arrive quand même avant de ça comme un truc hyper sexy de dire voilà, la rue c'est notre usine. Façon, c'est un bon moyen de casser le truc. Puis en plus, je trouve, en fait, au niveau des secteurs, vous êtes dans le mouvement de l'ubérisation, mais en fait, c'est pas la logistique, c'est transport logistique. Et l'INSEE d'ailleurs, il classe les livreurs comme des ouvriers. Hein, c'est classé ouvrier. Et de rappeler un peu ça, je trouve ça casse aussi tout ce côté-là de vente un peu sexy du truc qui est toujours mis en avant dans les médias qu'on entend tout le temps, donc c'était vraiment bien trouvé quoi. Mais c'est vrai que c'est important, puis c'est notre lieu de travail, c'est notre lieu de rassemblement, notre lieu d'organisation, on n'a pas de salle de pause, au début comme ça quoi. Si, certaines salles de pause qui s'improvisent, c'est les laveries automatiques quand il pleut trop. Mais est-ce que ça ne veut pas aussi dire qu'avant, les gens, comme ils allaient à l'usine, ils pouvaient se retrouver dans les usines pour se syndiquer et gueuler contre leur patron. Et justement, là, comme il n'y a plus d'usine et qu'on est tous éclatés dans la rue, ben justement, est-ce que c'est pas justement le... C'est, en fait, bah, les défenses de ras-le-bol aussi, des fois, c'est... on fait péter une commande, c'est un livreur qui a 4 pizzas sur lui, il va appeler, il va dire qu'il est tombé, que c'est détruit. Il vient, il en a marre, il y a une dizaine de livreurs, allez, il déballe, allez manger en fait. C'est une façon à lui déjà de montrer qu'il veut... C'est pour dire qu'en fin de compte, dans cette communauté-là, les plateformes ont essayé d'exploser le salariat en indépendantisant les gens. Mais quelque part, on y revient toujours. Il y a un côté social quand tu partages un même métier, quand tu partages surtout un métier Exactement. Risqué. J'ai très très vite, en fait, j'ai senti un espèce d'esprit, comme un esprit de corps en fait. Nous, quelque part, on essaye aussi de retrouver ça parce que ça existe chez nous. Quoi. Il y a la communauté des cyclistes, des coursiers ou des livreurs. Est quand même quelque chose d'assez soudé depuis que le métier existe. Les livreurs sont un nouveau fanion, on va dire. D'ailleurs, ça les coursiers ont toujours été une communauté assez soudée. Certaines communautés de coursiers qui t'échangent des saluts des fois en roulant, et si tu leur échanges pas, ils vont le prendre mal. Et au début, tu sais pas en fait qu'est-ce que ça veut dire en fait comme signe. Puis après, tu l'apprends et tu te rends compte que ouais, il faut lui hocher la tête, faut faire ça des fois. Quelque chose, même au livreur, juste pour un signe en fait. Et rien que ça, c'est important comme message. Parce que finalement, tu croises 40 livreurs dans la rue et finalement, les rues elles sont petites, tu repasses souvent, tu le revois. Et c'est une manière assez sociale de sortir de l'aliénation du job en fait. Parce que si t'es fixé que sur la route et au pot d'échappement, en fin de journée, tu peux rentrer déprimé chez toi. Parce que t'as livré, t'as fait ton shérif, mais bon, t'as pas la personne. T'es resté que sur toi-même, avec ton application, t'as vraiment pas de lien avec les gens en fait. Et c'est pour ça qu'on se rassemble. nos camarades. Excuse-moi, pourquoi est-ce que Deliveroo, ils ne vous ont pas tous désactivé, genre de tuer dans l'œuf, cet embryon, les collectivisations. Non, mais voilà, parce que ça a été abordé la question de la désactivation et j'ai toujours pas compris tous, comment ils pouvaient vous désactiver. Ou les gens des clubs, tu veux dire. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bah, parce que. Pour parce le moment, que lui, déjà, il n'est pas Deliveroo. Il est inconnu au bataillon. Et que ça, je suis assez ami au bureau et du coup ils nous ont pas du tout dans leur viseur. Et puis il y a quelque chose qui se passe. Moi je me suis fait virer de Deliveroo l'année dernière en 2016, quelques jours après un passage radio. Donc pour le coup j'avais un petit peu tendu le bâton. Là ce qui se passe maintenant avec la loi travail, on a pas mal communiqué sur la loi travail et sur ce qu'elle offrait comme protection aux livreurs, même si je trouve que notre affiliation à la travail est une erreur totale, enfin c'est une arnaque. Mais bon, c'est un autre débat. Les plateformes prennent quand même vachement de précautions maintenant avant de livrer des mecs. Ce qui s'est passé à Marseille, le soir de la grève, la vingtaine de mecs se sont tous fait désactiver. Bon, c'était à la fin du boulot, ils pouvaient rien faire, ils sont rentrés chez eux, ils ont dormi. Le lendemain matin, ils ont tous reçu un mail comme quoi, grosso modo, c'est une erreur, quoi, que ce serait bien qu'ils retournent tous au boulot, parce qu'en fin de compte, le mec s'est aperçu après coup, un petit peu à froid, qu'il avait désactivé les 20 mecs les plus actifs de Marseille, les plus vénères, les plus fédérateurs. Donc il dit, non les gars, retourne au boulot, c'est cool, j'ai rien fait, ça, on a oublié. Donc, et après, quand je suis allé à Marseille, je suis allé avec la loi travail, et je me suis aperçu que les jeunes avaient fait grève sans savoir qu'ils y avaient droit, de par cette loi travail. Et donc, bah, ça les a encore plus motivés à le faire une deuxième journée, puis une troisième journée, jusqu'à ce que Deliveroo envoie l'ambassadeur pour dire « Les gars, calmez-vous, c'est bon, on va discuter, quoi. » Là, pour le coup, on leur a mis un genou à terre. C'est exactement ce qui s'est passé en Angleterre fin d'année dernière, où les Britanniques, qui sont pourtant pas le baston du gauchisme, les Britanniques sont aussi mis en grève, sont désactivés devant les locaux de Foodora. Le mec est descendu, a essayé un petit peu de calmer le jeu, et s'est excusé d'avoir baissé les tarifs un petit peu trop brutalement. c'est partout en train de se passer, quoi. C'est partout en train de se passer. Il y a des grèves en Angleterre, il y a des manifs en Allemagne, il y a des déconnexions en Italie, en Espagne aussi. Et justement, l'avantage du syndicalisme, c'est qu'on essaye de se regrouper autour de différentes plateformes qu'on a créées dans tous ces pays-là. En fait, surtout, l'idée, en fait, c'est autant... C'est pas vraiment, en fait, s'ils nous baissent nos tarifs qui va vraiment nous déranger, en fait, en soi. C'est qu'ils nous consultent pas du tout, en fait. Nous, moi, personnellement, demain, s'ils nous auraient consultés, ils nous auraient fait des réunions avec des livreurs, ils nous auraient relégué les messages, genre, dans 2-3 semaines, on va vous baisser votre tarif pour les 2-3 semaines suivantes, mais dans 2 mois, on va vous augmenter, on va vous doubler. Ça me dérange pas, parce que peut-être qu'ils ont des coûts à amortir, des choses, et ça, c'est marchand, en fait. Alors que là, c'est tac, on fixe 5,75 sur toute une année. Et on sait pas, en fait. Peut-être on va descendre à 2 euros un jour, on sait pas. Du coup, on a vraiment pas notre mot à dire, et c'est ça, en fait. C'est pas qu'on veut que notre salaire augmente. C'est pas la première chose en priorité, en fait. Enfin, relativement, si on veut que ça augmente, mais c'est pas notre objectif premier, c'est plus de discuter avec les plateformes. On veut déjà pas que ça baisse, en fait. Ouais. Que ça ne fait que baisser. Au fond, près du radiateur. Il y avait une question ici. Oui, j'ai une question. Il y a eu plusieurs actions en justice d'autres micro-entrepreneurs chez Uber, etc., qui ont demandé à requalifier leur contrat en salariat en prouvant que, par exemple, la tenue de travail, les contraintes horaires, les exigences sur différents plans prouvaient en fait qu'ils étaient salariés, mais c'était dissimulé. Est-ce que ça, c'est un truc qui... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un truc qui vous intéresse? Il y a plusieurs... Bah oui, parce que j'étais... J'ai attaqué Toc Toc Toc, la première plateforme en France en 2015. On a, à cause de reports successifs de la part de la société, on a plaidé en mai 2016. On a les décisions un mois après, qui était un report en départage. Et depuis juin 2016, j'attends toujours la date. Et puis, il y a eu des procédures Take It Easy qui se sont engagées suite à la liquidation de la boîte. On a plaidé la semaine dernière et on attend la décision pour septembre. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait porter le débat médiatiquement parlant. Mais je me suis aperçu très très vite qu'en fin de compte, que la dimension juridique, la temporalité juridique, elle était à l'échelle de plusieurs années. Et que j'avais pas le temps, parce que pendant ce temps-là, les jeunes risquaient leur vie. Et puis moi aussi, je bossais encore à l'époque. Et donc je me suis dit, voilà, on m'a médiatisé le truc. Et avec les proportions que ça a pris, mais parce que je me rends compte maintenant par rapport à tout ce que je disais dans les autres pays, qu'il y a une réelle cause, en fait, une cause qui est pas juste liée à un métier, mais qui est liée à, c'est une cause sociétale, en fait. C'est une cause sociale, parce qu'on l'a vu avec la loi travail, on veut... Enfin, moi, quand j'étais auto-entrepreneur et que j'ai vu la loi travail arriver, ça m'a pas percuté que j'étais dedans, parce qu'il y avait un article qui traitait des travailleurs des plateformes numériques. Je me dis, qu'est-ce qu'ils veulent faire, quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les... Enfin, je vais pas parler de la loi travail, mais ça m'a choqué, parce que j'étais déjà dans l'extrême de ce que pouvait être le travail. Et ceux qui avaient encore des protections, on allait les attaquer. Après, je me suis rendu compte que j'étais dans la loi travail, parce que travailleurs des plateformes numériques, patati patata, on allait nous empêcher dans cette loi travail, dans les premiers textes, on allait empêcher les indépendants que nous sommes d'attaquer leur plateforme en requalification. Exactement ce que j'avais fait. C'est-à-dire qu'on me coupait les pattes, ou du moins on coupait les pattes à mes petits collègues qui pourraient potentiellement le faire plus tard. C'est ça qui m'a balancé dans la rue, en fait. C'est là que j'ai rencontré la CGT, c'est là que tout est monté en graine, en fait. Le juridique est trop trop long, en fait. Il y a une autre question ici, juste pour expliquer. Je fais passer ceux qui n'ont pas pris la parole avant ceux qui ont déjà pris la parole. Oui, bon, pour moi, ce monde-là est totalement nouveau. Hein, donc, je suis très intéressé d'apprendre tout ça ce soir. Et tout d'un coup, l'idée m'est venue, mais pourquoi, où est-ce que ça s'est déjà fait, les livreurs ne créent pas leur propre plateforme? Ah, et ben, il est là ce soir, je vous le présente. On peut... Attends, il s'appelle... J'ai rencontré... l'année dernière. Je pense que c'est pas le problème d'avoir la technologie. En fait, c'est aussi le... parce que nous, on défend un truc dont il y a, bon, il y a d'une part avoir la technologie qui est une de leurs principales valeurs ajoutées, outre quand même le service commercial, le service marketing, le service qui s'occupe de faire du lobbying, je ne sais quoi. Bon, ils sont quand même assez forts. Ouais. Mais il y a aussi le fait de, je sais pas, en fait, c'est juste ces activités-là, ces activités où les mecs ils veulent atteindre une hégémonie pour ensuite être indélogeable et peut-être remplacer les gens par des drones, bien entendu. Ouais. Et donc du coup, en fait, le truc, c'est que, enfin, on veut mixer ça, c'est-à-dire avoir la technologie à nous et aussi le faire sous forme de coopérative, qui est une entreprise qui se veut être plus pérenne sur son activité et où on fait pas n'importe quoi avec l'argent qu'on gagne, c'est-à-dire quand il y a l'argent qui est gagné, il y en a une partie qui est sécurisée, une partie qui est distribuée entre les salariés, une partie éventuellement entre les associés, quoi, et donc tout le monde peut être associé, quoi. Voilà. Donc du coup, ouais, il y a peut-être, mais en fait, ce sera pas la panacée non plus, parce que bon, idéalement, faut pas supprimer complètement l'économie, quoi, mais bien sûr, quoi. Peut-être que le modèle de la coopérative, c'est une alternative viable à l'ubérisation, quoi. Donc ouais, mixer les deux, c'est-à-dire avoir sa propre technologie, même si elle est moins développer celle des plateformes, mais surtout construire l'entreprise sur le modèle de la coopérative. Ouais. Genre, je sais pas, après, ça réglera pas tous les problèmes, ça en causera d'autres, parce qu'il faudra établir des systèmes de gouvernance, Il y a aussi une dimension dans le monde coopérativisme, ça fait deux ans que je travaille sur le sujet, c'est que ça offre un travail, évidemment, mais ça offre surtout un rôle de par la dimension démocratique que prône la coopérative. Donc d'avoir en même temps un travail et en même temps un rôle dans la société pour tout un tas de jeunes, surtout issus de quartiers qui n'ont pas de travail et à qui on dit qu'ils n'ont pas de rôle, et pourtant Dieu sait qu'ils peuvent en avoir, je veux dire, ça mixe les deux et ça peut être justement la pierre angulaire de la lutte contre cette ubérisation qui elle justement veut casser les deux, quoi. Et c'est pour ça que la coopérative est très liée, bon, c'est de l'économie solidaire et sociale, pour que le solidaire et le social reviennent dans le travail alors que l'ubérisation a essayé justement de nous les piquer, quoi. Plus de cotisations, donc évidemment plus de solidarité. Et puis plus de social parce qu'il n'y a plus de protection. Juste, il y a 4 personnes qui ont levé la main pour prendre la parole. On les écoute et après, on remonte là-haut pour continuer à discuter. On continue ailleurs, mais voilà. Comment faire très chaud. Ouais, c'est vrai. On va boire un peu. Après. Du coup, vas-y, si tu voulais poser une question. Si je fais. Donc là-bas. Oui. C'est un peu dépassé, mais je voulais revenir. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de contrat écrit, c'est pas parce qu'il y a une absence de contrat écrit qu'il n'y a pas de contrat. Exemple, lorsqu'il vous envoie un mail vous disant que vous êtes viré, c'est la preuve qu'il y a une relation de travail. Elle est établie. Et ce n'est pas uniquement le lien de subordination. Il y a un autre critère qui définit quand même la relation de travail salarié, c'est qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas libres de leurs faits et gestes pendant la journée. Je prends un exemple. Un avocat, vous lui donnez un travail à faire, rédiger une assignation. Il est libre de la faire aujourd'hui, demain ou après-demain. Vous n'avez pas d'ordre à lui donner. C'est lui qui organise son travail comme il le veut. Eux, si on leur demande d'aller livrer un repas, ils peuvent pas dire « je vais le livrer dans 3 jours ». Ils sont pas libres de leurs faits et gestes. Ça établit, c'est un critère supplémentaire qui établit la relation de salariat. Je ne vais pas vous gaver plus que ça avec du juridique, mais c'est pour vous dire que leur cas est défendable. C'est pour l'instant, le rapport de subordination n'est pas posé. Je me suis perdu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des partenaires. Comment ? Ah oui. C'est considéré comme des partenaires en tant qu'auto-entrepreneur. Oui, mais ça c'est... Ça, c'est toute la lutte, c'est le fondamental de la lutte au prud'homme, en fait. On a passé 4 heures au prud'homme la semaine dernière avec les avocats de la partie adverse de Take It Easy et puis le nôtre. C'était que de la mauvaise foi, parce que moi, j'étais là et ça fait 2 ans que je vis ça. Ça fait 2 ans que je parle avec des juristes et des avocats. Plusieurs m'ont contacté. Je travaille avec plusieurs avocats et donc je suis rodé. Mais on est au prud'homme, je suis dans le public, donc je n'ai pas le droit à la parole. J'entends des gens j'entends des gens faire preuve de mauvaise foi pendant 4 ans. C'est vrai que c'est hyper, hyper prenant. J'entends ce que vous dites et je le sais. Je sais. Un exemple de subordination qui est sorti sur, il n'y a pas longtemps, c'est que je ne sais plus dans quelle ville, à un moment donné, il y a eu un semi-marathon qui a foutu un bordel monstre dans la ville. Et du coup, les livreurs ont décidé de ne pas travailler ce jour-là, ce qui a foutu un bordel monstre sur la plateforme. Et du coup, la plateforme a voulu convoquer les livreurs qui ne s'étaient pas présentés. Alors qu'ils, parce que normalement, tu t'inscris pour dire que tu vas te présenter, etc. Ceux-là, ils ne sont pas présentés. Et il faut dire que tous les livreurs payent une caution pour leur costume et leur sac à dos, vous savez, des Deliveroo, etc. Et ils se sont servis de cette caution pour dire, si vous ne vous présentez pas à l'entretien suite à votre absence, on va vous garder votre caution. La caution, normalement, c'est sur le costume, etc. Mais c'est vraiment une manière d'induire un endroit de subordination quand les livreurs de cette ville essayent de transformer cette histoire-là pour prouver qu'il y avait effectivement un lien de subordination. Alors du coup, un des Bordelais, parce que ça se passe à Bordeaux, m'a envoyé la capture d'écran de ce message. Et je l'ai mis sur Twitter. Et puis j'ai fait 500 retweets. Alors le petit côté, c'est pas égotique, mais c'est juste pour dire que j'avais jamais vécu ça, 500 retweets dans son téléphone. Et puis il y a les mecs de Foodora qui sont arrivés sur mon compte Facebook, sur mon compte Twitter. Oui, mais non, c'est pas ce que tu crois, nanana, tu te prends pour qui, patati patata, c'était la guerre. Et là, je pense qu'on a marqué des points au niveau surtout relais médias, parce que il a été repris dans Sud-Ouest à l'époque, à Bordeaux. En fin de compte, ils balancent eux-mêmes leurs propres... ils produisent eux-mêmes leurs propres cailloux dans leurs chaussures, en fait, parce qu'en se conduisant comme des salopards, moi qui suis là en tant que vigie, et puis avec le clap aussi pour être dans la rue, vous inquiétez pas qu'on a l'œil et tout ce qu'ils font, on le sait. C'est aussi ce que je disais tout à l'heure, ce qui produit un petit peu leur maîtrise, leur distance, leur... voilà. Tiens, la citation, la belle citation. Oui, vous allez la lire, on a tous compris. C'est quoi? Bah vas-y, lis. Tous les no-shows de samedi. Tous les no-shows, c'est tous les absents. Je vais vous voir mardi au bureau avec vos affaires. Si je vous vois pas, j'encaisse le chèque de caution. Bon week-end avec le smiley. Ouais. Smiley. Il y avait une dernière question ici. Non, c'est vraiment la dernière. Non, à propos des coopératives, ça m'a fait penser à mon pays, à l'Italie, où les mouvements coopératifs étaient très forts et qui, malheureusement, s'est transformé dans un agent d'exploitation énorme dans tous les secteurs, notamment dans la logistique. Parce qu'au début, les piqueurs, voilà, les préparateurs, eux, ils étaient tous réunis en coopérative pour contrôler le marché du travail. Finalement, ils sont transformés dans des entreprises normales. Et donc, voilà, ça me paraît un peu une utopie toxique de dire on va créer des coopératives comme ça. On aura des îles, des coopératives qui vont faire concurrence entre les autres. On va créer de l'exploitation collective au lieu de l'exploitation individuelle. C'est sûr, mais bon, en même temps, si on n'essaye pas d'une alternative, je me sens pas... Le problème, c'est peut-être on vit dans une doxa où on fait faux semblant de ne pas voir que le problème, c'est peut-être la marchandisation, de la colonisation de la vie quotidienne par rapport à ces... Tout type d'activité qui auparavant était en dehors de la sphère économique est colonisé par la monnaie. Donc, moi je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. C'est pour ça qu'en fait le CLAP c'est aussi un collectif de lutte. On lutte pour nos droits et puis on est constitutif. Enfin, on est des travailleurs en lutte et on est constitutif d'un rapport de force. Ah, merde. C'est pour ça qu'on était là le 22 avril, on était là le 1er mai, le 8 mai, et qu'on sera là aux autres manifestations. C'est qu'on est des travailleurs en lutte, comme tous les autres travailleurs en lutte. Et au-delà de tout le phénomène un peu nouveau sur l'ubérisation, le travail dissimulé, ça a toujours existé. Le travail au noir, c'est encore pire, quoi. Enfin, va discuter avec des employés chantiers BTP, c'est horrible, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus dangereux, c'est sans chose-là. Donc, l'automation via le numérique, c'est pareil. Donc, on a une solidarité de classe à faire avec les autres travailleurs. Et c'est pour ça qu'on lutte. Ouais, on est constitutif d'un rapport de force. Et on va l'exploiter au maximum. Dans le cours quotidien, on va essayer de revaloriser notre salaire. Et C'est ce qu'on fait au quotidien. Après, la coopérative, c'est un autre projet dont on participe aussi au CLAP. Mais la raison d'être, c'est aussi le syndicalisme et le cours quotidien de la lutte. Quoi. Moi, après, je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur faire gaffe à ne pas perdre de vue l'émancipation. Enfin, tu vois, quand je disais tout à l'heure, le désir qui prime, à mon avis, dans pourquoi tu t'engages dans ce boulot-là, c'est la liberté et l'autonomie. Et je crois que tu as raison de ne pas oublier ça. En Catalogne, ils essayent cette espèce de truc qui ne marche pas vraiment encore de coopérative intégrale, mais qui me semble déjà plus, encore plus enthousiasmant, parce que ce que disait le camarade tout à l'heure sur une coopérative et tout ça, enfin à Jeff Clack, on expérimente la coopérative et c'est clair que ça ne gagne pas d'argent et que c'est de l'auto-exploitation et que c'est la galère et que c'est complexe et que tout ça. Et pour terminer sur le syndicalisme, moi il y a un truc qui me fait très très peur sur ton discours par exemple sur le syndicalisme, et je ne veux pas faire un truc vénère d'anti-syndicalisme primaire, mais pour avoir étudié un peu, genre, notamment dans un dossier il n'y a pas longtemps sur CQFD, les dernières luttes de nouveaux précarisés, comme par exemple les stagiaires, les vacataires, et tout un ensemble, les intérimaires, les intermittents, etc. De fait, sur les 10-15 dernières années où sont mis en place ces trucs-là, les luttes n'ont pas été gagnées par les syndicats dans ces secteurs-là. J'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas eu de lutte gagnée par les syndicats sur les 15 dernières années. Donc c'est là où je ne ferai pas cet antisyndicalisme primaire. Mais en tout cas, sur ces secteurs-là de nouvelles précarisations et de nouvelles contractualisations qui n'en sont pas, les luttes n'ont pas été gagnées par les syndicats ces 15 dernières années, mais par des collectifs. Et par des actions de terrain, des actions coup de poing, des actions directes. Et donc pourquoi pas. C'est bien que le CLAP est un collectif. C'est bien d'avoir notre autonomie. D'avoir le petit tiroir syndical à pouvoir tirer dans certains moments, ou la protection de parapluie. Mais surtout, faites gaffe pour l'instant, à mon avis, à ne pas justement basculer dans une espèce d'affiliation directe Sud, CGT ou ceci. Parce qu'en fait. En l'occurrence, les collectifs auxquels tu penses étaient des coordinations qui souvent étaient composées aussi de gens syndiqués. Mmh. Enfin, c'était toujours une coordination de gens. L'alliance est bonne, mais C'est pour ça que on est un collectif. Quoi. Ouais. Le CLAP, c'est le collectif des. Du coup, on tient à cette indépendance. Ouais. Je pense que c'est ça qui est important. C'est un secteur qui se casse la gueule. Enfin, l'ubérisation, tu dis que c'est pas voué à durer. Enfin, pas l'ubérisation, mais plutôt ce qui est grosse plateforme de livraison. Et quand tu regardes dans les géants de la restauration, que ce soit McDo, Quick ou Burger King, ne se font pas livrer par les plateformes. Parce qu'ils savent que c'est quelque chose. McDo, ils envisagent quand même, je crois. McDo, non, ils veulent créer leur flotte. Ouais, d'accord. Et ils savent très bien que c'est quelque chose qui tourne pas. Comme Domino's Pizza, et qu'ils n'ont jamais lâché leur système, c'est pas fiable. Et pourtant, Domino's tourne très bien sur Paris. Domino's, ouais, parce que Domino's, c'est pas une plateforme, c'est... Parce qu'ils ont gardé leur... Ils ont pas sous-traité encore. Au départ, Domino's Pizza, les créateurs, c'est des mecs de la logistique, c'est pas des mecs de l'informatique, en fait. Et c'est la logistique. La pizza, c'est presque une annexe de la livraison. Ils ont pris la pizza parce que c'est ce qu'il y avait de moins coûteux et de plus facile à transporter. Mais au départ, les mecs de ce Domino's, tout ça, c'est des mecs qui viennent de la logistique transport. Merci vraiment, le CLAP. On était vraiment contents de vous rencontrer. Merci. Merci. Merci. Donc, vie à vous. Franchement, ça donne envie de devenir livreur pour pouvoir rejoindre le CLAP. Merci à la librairie de nous avoir accueillis. Voilà, donc vous venez d'écouter une discussion qui a eu lieu la semaine dernière avec le CLAP, donc le CLAP, le collectif des livreurs autonomes de Paris, donc les coursiers à vélo qui travaillent pour Foodora, Deliveroo, Stuart et Uber Eats, etc. Et donc voilà, si vous voulez les rejoindre, ils ont une page Facebook, donc CLAP, et un Twitter aussi. Vous pouvez donc on remercie encore Jeff Clack, donc qui a un magazine, une revue qui paraît à peu près tous les 6 mois, qui a organisé cette discussion à l'occasion de la sortie de leur dernier numéro. Donc pareil, vous pouvez aller voir leur page Facebook aussi, Jeff Clack. Et voilà, donc cette émission Au fond près du radiateur, ça se termine. On va se retrouver la semaine prochaine. Nous, c'est tous les mardis de 19h à 20h30. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette discussion sur notre site en podcast à partir de ce week-end à peu près. Et en attendant, on vous invite à faire un tour dessus au fond près du radiateur.fr pour écouter les anciennes émissions Et vous pouvez faire un tour aussi sur notre page Facebook si le cœur vous en dit. Donc avant de laisser la place à l'émission d'Ubout, on va se quitter avec un dernier son de A Tribe Called Quest, donc leur dernier album. Donc c'est un son qui s'appelle Space Program. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Gardez l'écoute sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. À bientôt. With a bigger insult, man. The heat. It's coming down hard. We got to get our shit together. It's time to go left and not right. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformists, one-hitter quitters. For Tyson types and shade figures. Let's get it together, come on, let's make it. Gotta make it, to make it, to make it, to make it, to make something happen, to make something happen, to make something happen, let's make something happen. Word to Viper, gonna bring it to the overlord. Drinking Cisco, chilling with the gold microphone cords. And we grip our balls every time we stuntin' on tour, cause we never bore. Responding to the ready crowds roar, and promoters try to hit us with the audible. We about our business, we not quitters, not bullshitters. We deliver, we go getters, don't be bitter, cause we not just niggas. Jerobe, my fire woven to different cloth. Ain't nothing forbidden, the sticker kid is written off. Hard to spit in the city, I'll make the spitting kid so confused. In the maze, you could pull your brain, missing lust and planning for our future people. None of our people involved. Boring, Henny, and smearing off the kid and cracking off. Cracking off and smearing off, quickly turn a Molotov. Molotov the spaceship door before that bitch is taking off. It always seems the poorest persons, the people forsaken. Dog, the Washington's, Jefferson's, Jackson's on the captain's log. They'd rather leave us to the gray and swatter poison, deli smog. Glass unblackening, it's happening. You feel it, y'all? I'd rather see we need three by three structure with many bars. Leave us where we are so they can play among the stars. We're taking off to Mars, got the space vessels overflowing. What you think they want us there? All us niggas. Going. Reputation ain't glowing, reparations ain't flowing. If you find yourself stuck in the creek, you better start rowing. Used to see the TV screen as a place I land my dream in the car stereo. Where they would promote the show, optimistic little brother, little hope you know. Space program for niggas, yo, you stuck here, nigga. There ain't a space program for niggas, yo, you stuck here, nigga. There ain't a space program for niggas, yo, you stuck here, nigga. There ain't a space program for niggas, yo, you stuck. Sometimes I read the paper every day. All these happenings are secular, just happen different ways. And the president's refining her wings, she's confined with about 30 Percocets and 5 bottles of wine. Carolina, nothing finer than a black woman who climbs to the top of the state building, claiming that their flag is mine now. People on top of people feels like we can't breathe. Put so much in this motherfucker, feel like we shouldn't leave. Put it on TV, put it in movies, put it in our face. These notions and ideas of citizens living in space. I chuckle just like all of y'all. Absurdity, after all, takes money to get it running and money from trees don't fall. Imagine for 1 second all my people of color. Please imagine for 1 second all the people in poverty, no matter the skin tone, culture or time zone. Think the ones who got it would even think to throw you a bone? Moved you out your neighborhood, did they find you a home? Non-cypher, probably no place to imagine if the shit was really.